Mais ce qui peut être transmis à l'homme dans la cosmovénie, ça a été très bien fait. Mais ça a été fait avant que toi tu sois là. Oui. Matériellement parlant, oui. Si tu regardes dans la cosmovénie, tu verras que ceux qui ont écrit, ceux qui ont donné la cosmovénie ne savent pas exactement sous quelles conditions, dans quelles conditions et quand. Doit venir sur le plan matériel. Celui que j'appelle le régent planétaire. Ça pas. C'est pas de leurs affaires. C'est de mes affaires. C'est pour ça que les maîtres ne le savent pas, les maîtres ne le reconnaissent pas, les maîtres. Les gens doivent le découvrir par eux-mêmes. De saisir par eux-mêmes, mais ça fait partie de ma vie, ça fait partie de mon activité. Et ces choses-là ne sont pas... Ça, en tout cas, oui, mais ça, c'est des interprétations psychologiques de la vertu, de la spiritualité dans les mondes spirituels. Mais ça, bien que ça. Non, ça, bien moi qui que j'en parle pas. Ou ceux avec qui j'en parle le savent par leur propre intelligence. Sans ça, ça créerait de la personnalisation, ça créerait de l'intelligence. En tout cas, ce que les gens doivent savoir, c'est qu'on entre dans le cycle de l'intelligence. Que sur le plan matériel, ce que je représente en tant qu'avatar, c'est le principe de l'intelligence de la planète Terre. Pas le principe de l'amour. Il était déjà établi.